Bonjour et bienvenue sur Cristal, la pause déj démarre dans un instant. Aujourd'hui, vous jouez pour un aspirateur balai sans fil de la marque Koenig. Vous appelez pour vous inscrire au 02 32 23 53 96. Il est midi. Les infos sont présentées par Julie Desbois. Bonjour Julie. Bonjour à tous. Dans l'actualité de ce jeudi, le prêtre de Rouen qui s'est suicidé était accusé d'agression sexuelle. Dans ces infos, retour également sur la manifestation pour la scolarisation des enfants handicapés à Évreux hier. Et puis la météo, soleil dominant pour cet après-midi. Et à la une de l'actualité, le prêtre qui s'est donné la mort à Rouen, accusé d'agression sexuelle. Son corps a été retrouvé mardi dans l'église Saint-Romain, près de la gare SNCF, où il officiait depuis 2005. La veille, Jean-Baptiste Seb, âgé de 38 ans, avait été convoqué par son supérieur. Une femme était venue se plaindre auprès de l'archevêque de Rouen de comportements indécents et d'agressions sexuelles commis envers sa fille. Elle est fait remontrer à 3 ans. Il reste maintenant à auditionner la mère et la jeune fille. Aucune plainte n'a été déposée pour le moment. À Biorel, dans l'agglo rouennaise, les caméras de surveillance et l'audition de témoins vont peut-être permettre d'en savoir un peu plus sur l'identité de deux agresseurs d'un chauffeur de bus. Ça s'est passé mardi soir. Deux hommes sont montés dans le bus en portant des cagoules et l'ont frappé à l'épaule avant de le gazer avec une bombe lacrymogène. Ils ont ensuite pris la fuite. Le chauffeur, lui, va porter plainte. Ils ont décidé de ne rien lâcher pour sauver leur emploi. Parole de syndicat de Novandi à Marom. Les salariés sont en grève aujourd'hui. Ils ont débrayé tôt ce matin. L'usine de yaourt des marques Maminova et Bonne Maman est bloquée. 118 emplois sont menacés par un vaste plan social. Syndicat et direction doivent se revoir la semaine prochaine pour poursuivre les discussions. On vous en parlait hier, cette manifestation devant la préfecture de l'Eure à Évreux pour protester contre le manque d'AVS auprès des enfants handicapés. Des situations qui empêchent ces derniers d'être scolarisés et même avant l'école. Le problème se pose pour Ancy, sa fille de 2 ans handicapée ne peut aller à la crèche Isambard d'Évreux que 4 heures par semaine. Ça m'attriste fortement parce qu'elle a besoin de ça, elle a besoin de voir d'autres enfants, elle a besoin d'être stimulée. Et à l'heure d'aujourd'hui, elle a pas l'accueil qu'il lui faudrait. Et ça me fait mal au cœur pour elle. Et moi, maman, depuis du coup 2 ans, bientôt 2 ans, je ne peux pas reprendre le travail à cause de ça. Donc là, je me bats avec eux pour essayer qu'ils me la prennent régulièrement, que je puisse reprendre le travail. Mais c'est pas gagné. Une délégation de parents d'élèves a été reçue par le préfet de l'Eure à l'issue du rassemblement. Autre pénurie dans le département, celle des médecins et notamment des ophtalmologues. C'est le cas à Pont-Audemer. Le dernier praticien va prendre sa retraite à la fin du mois. La ville a confirmé monter un dossier pour une maison de santé. Dans le reste de l'actu, le congé maternité va être rallongé en 2019 pour les travailleuses indépendantes et les exploitantes agricoles. Il sera porté à 8 semaines minimum et 16 semaines au total selon Édouard Philippe. On termine par un mot de météo. Bel après-midi éclairci en perspective dans l'Eure et la Seine-Maritime avec encore de la chaleur au mercure. 26 degrés à Rugles, 27 à Évreux, à Louviers et à Rouen, 28 du côté de Vernon. La pause d'âge en solo, c'est bien, mais avec les collègues au boulot, c'est mieux. Inscrivez-vous et jouez avec vos collègues. Joignez-nous maintenant au 02 32 23 53 96. Tous les midis sur Cristal. Prenez la pause d'âge avec Aurélie. Avec un aspirateur balai Koenig. Alors non, vous n'allez pas prendre la pause d'âge avec un aspirateur balai, mais c'est ce que je vous offre aujourd'hui. N'hésitez pas à vous inscrire au 02 32 23 53 96. Sans oublier ce chèque de 500 euros que vous pouvez remporter à tout moment dans la pause déj si vous faites 10 bonnes réponses consécutives en moins d'une minute. Nous sommes avec notre première candidate. On part du côté d'Évreux à l'hôpital avec Nadia. Bonjour Nadia. Bonjour Aurélie. T'es infirmière là-bas à l'hôpital d'Évreux. D'ailleurs, je leur fais un coucou à tous parce que je sais qu'ils sont très fidèles. Oui. Ouais, on est fidèles et puis on aime notre métier. C'est beau ça. Heureusement que vous êtes là. Oui, ouais. C'est un métier. En fait, c'est une vraie vocation. Hein. T'as toujours voulu faire ça, toi, Nadia ? Oui, j'ai toujours voulu faire ça. Je voulais être pompier, en fait. Et ensuite, je me suis dirigée vers infirmière. Et j'ai toujours voulu aider, soigner et puis prendre soin des autres. Et surtout de ton fils. Il faut qu'on en parle. Et surtout de mon petit garçon, oui. Parce que toi, t'es une maman poule. Mais alors, une maman poule, je n'ai jamais connu ça. C'est carrément, tu l'as sur un t-shirt, ce mot. Oui, Oui, j'ai mon fils sur un t-shirt. En fait, je porte des t-shirts et des pulls avec écrit Maman Poule. Et c'est en dédicace pour mon petit garçon, mon petit poussin qui s'appelle Célestin, qui a 4 ans. Et je suis croque-love de lui, je suis amoureuse de mon fils en fait. Je suis croque-love de lui. Et carrément, il paraît que tu as aussi un t-shirt pour ton mari. Et là, c'est Papa Poule. En fait, c'est comme une alliance. Ça prouve à tout le monde que c'est ton mari et qu'on n'y touche pas. Exactement, en fait, je suis une maman poule, je pourrais même être une maman louve en fait. Et lui, il a papa poule, comme ça, on l'identifie très bien qu'il est marié et qu'il est papa d'un petit poussin, qu'il a une femme qui s'appelle maman poule, et comme ça, on ne l'approche pas. Voilà, il a son petit. Il n'a pas besoin d'autre personne dans le poulailler en fait. Et il le vit comment d'être une poule, ton mari? D'être un papa poule, bah, il le vit bien en fait, il en rit, et puis vu qu'il le porte, c'est qu'il accepte bien la chose en fait. Ouais. Ou c'est juste peut-être pour te faire plaisir. Puisque les hommes sont un peu comme ça. Oui, ils savent qu'il ne faut pas être en contradiction avec nous, sinon après, ils ne mangent plus de la semaine. Exactement, c'est ça. Nadia, on y va pour une minute de questions ? Alors, j'ai juste une petite question avant. Est-ce que tes collègues t'ont rejoint pour t'aider ? Oui, elles sont là. Alors, il y a Annie qui est soignante, Claire est soignante et Florence. Donc et là, on est quatre. Mais je ne sais pas si je mets le haut-parleur, si ça va marcher en fait. Allez, vas-y, mets le haut-parleur, mais tu parles bien près du téléphone, d'accord ? D'accord, on est bien près du téléphone. Voilà, bon, c'est bon. Allez les filles, je vous souhaite bonne chance. On y va pour une minute de questions. 3, 2, 1. Qui reconnais-tu dans cet extrait ? M. Cite un fruit sans noyau, n'importe lequel. Banane. Donne-moi à 3 ans près l'âge de Florent Manaudou. Florent Manaudou, 27 ans. Quel est le périmètre d'un carré de 12 cm de côté ? 48. De combien de chiffres se compose un numéro de téléphone portable ? 10. Dans quelle grande ville de Normandie peut-on emprunter le boulevard des Belges ? Rouen. Quel engin électrique fait-on gagner cette semaine sur Cristal ? Un aspirateur. Qu'est-ce qui est démesurément grand chez un âne ? Démesurément grand chez un âne. Les filles ? Non, j'espère qu'elles nous ont... Ah non, je pense qu'elles nous ont quittées. Oh là là là là, la galère. Première fois que ça arrive dans la pause déj. Voilà, on est en plein quiz et là, plus personne. Comment on va se débrouiller ? Bon, écoutez, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va appeler les filles, on va les rappeler. C'est dommage parce que ça démarrait quand même plutôt pas mal bien pour elles. Alors, on va écouter Ariana Grande. On va voir ça dans un instant, comment on va se débrouiller, puisque le chronomètre restait au moins 20 secondes. Donc, on écoute Ariana Grande tout de suite. Voici No Tears Left to Cry. Et on va retrouver Nadia dans un instant. living, so we turning up. Yeah. Bon, si vous venez de nous rejoindre ici sur Cristal, il y a Nadia qui a joué avec nous, Nadia de Bernay, qui est infirmière donc à l'hôpital d'Evreux, qui était en pleine forme pour le quiz, et puis d'un coup, ça a coupé. Dommage, en plein questionnaire, et pourtant Nadia, ça démarrait bien. Ouais. Et j'ai rien pouvoir faire, puisque c'est le jeu, c'est comme ça. Mais c'est pas grave, il faut respecter les règles, c'est normal. Mais comme je t'ai dit, c'est quand même plutôt positif, puisque déjà tu as trouvé cet extrait. Il fallait en effet reconnaître M. Un fruit sans noyau, ça pouvait être la pomme, la poire, la fraise, la banane aussi, et c'est ta réponse. Florent Madotou, ouais. Il a quel âge à 3 ans près? Bah, tu nous as donné l'âge tout pile, puisqu'en effet, il a 27 ans. Il a 27 ans, génial. Le périmètre d'un carré de 12 cm de côté, c'est bien 48 aussi. C'est génial. Un numéro de téléphone portable contient 10 chiffres en effet. Génial. Si on emprunte le boulevard des Belges en Normandie, on se trouve à Rouen. Et d'ailleurs, Rouen. Ça bouchonne très souvent. Et c'est ta réponse également. Quel engin électrique fait-on gagner cette semaine sur Cristal? Un aspirateur balai, il y a aussi une trottinette électrique qu'on fait gagner. Et d'ailleurs, ce soir, c'est la demi-finale. Et puis, ça a coupé à ce moment-là. Qu'est-ce qui est démesurément grand chez un âne? Donc, on n'a pas eu ta réponse. Il fallait bien sûr trouver... Démesurément grand chez un âne, les oreilles. Oui. Bon, je pourrais pas la compter en réponse, en bonne réponse. Non, il y a pas de souci. Même si tu as perdu 20 secondes sur la minute du quiz, tu as fait quand même 7 bonnes réponses. 7 bonnes réponses, bah c'est bien, on est contente. Ah, c'est un très joli score. Ouais, c'est chouette. Alors, t'aurais pu faire beaucoup mieux. Oui, mais et bon, c'est comme ça. Tu sais ce que tu vas pouvoir faire aussi en sortant du travail ce soir? Non, dites-moi. Allez, te racheter un nouveau téléphone. C'est pas vrai. Non. Elle rigole parce que le mien, il est cassé. Bah oui, il est cassé. On a eu la preuve en direct. Oui, c'est ça, il est cassé. Va falloir que tu te fasses plaisir pour Noël ou je sais pas, mais change ton téléphone et tu rejoueras à la pause déj. D'accord. D'accord. Oh, bah, c'est bon. Chouette, je suis contente. En attendant, t'es en lice hein, et en tête pour gagner la pause déj aujourd'hui. Si personne ne te bat, tu remportes ton aspirateur balai sans fil Koenig. D'accord? D'accord, et bah c'est génial. Merci beaucoup Aurélie. Merci, Nadia, c'est génial. Je te fais des gros bisous. Bon courage. Merci, pour le boulot. Moi aussi. Et bisous à toutes les infirmières qui nous écoutent. Merci, elles vous embrassent toutes. Merci Radio Cristal, bisous à tous. Salut les filles. À vous maintenant de jouer aussi en équipe. Vous voyez, quand on est en équipe, on fait un très joli score. Donc, si vous voulez battre l'équipe de Nadia aujourd'hui, vous nous appelez au 02 32 23 53 96. Il faut faire 8 points pour la battre aujourd'hui. Intermarché vous propose d'écouter un événement exceptionnel. Les petits Jean-Pierre, Claude et Bernard sont attendus par leur épouse en caisse centrale, merci. Jusqu'au 30 septembre, c'est la foire au vin chez Intermarché. Des centaines de crus sélectionnés par nos experts œnologues avec en plus 10% en avantage carte des 50 euros d'achat. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Hors offre, un carton acheté, un offert. Modalité magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Oh, c'est dingue ça! Ce week-end, Canal Plus diffuse les deux Olympiques! Ah bon, déjà? Mais Tokyo, c'est pas tout de suite! Ah non, pas les Jeux, les deux Olympiques! L'Olympique lyonnais contre l'Olympique de Marseille! Ah ouais, je me disais aussi, trop cool, ça promet du beau jeu! Du beau jeu? Olympique! Ce week-end, deux Olympiques, un seul sommet. Dimanche 23 septembre, ne manquez pas le choc de la Ligue 1 Conforama, OLOM, à 21h, en direct et en exclusivité sur Canal Plus. Rendez-vous sur canal.fr. Leclerc. Chérie, t'as vu? Avec les super pouvoirs d'achat Leclerc, deux packs de Perrier achetés, un pack offert. Parfait, j'adore ça le Perrier. Tout le monde adore le Perrier. Sauf que là, avec deux packs achetés, un pack offert, on l'adore encore plus le Perrier. Bon ben moi j'ai soif. Du 18 au 29 septembre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Pour l'achat de deux packs de 6 bouteilles de Perrier d'un litre chacune, le troisième est offert. Voir modalité et magasins participants sur www.e.leclerc. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Pour votre santé, bougez plus. La bonne idée de l'anniversaire millionnaire But, vous pouvez devenir millionnaire! Oui, en ce moment chez But, des tickets Françaises des Jeux Banco et Millionnaire à gagner en magasin. Et aussi des voyages à Bora Bora, une voiture, des télés, des... Règlement complet du jeu en magasin et sur But.fr. Jouer comporte des risques, dépendance, isolement. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Tout le plaisir est pour moi. C'est qui cette voix? Jeanne, t'es avec une amie? Non, mamie, c'est une enceinte connectée Amazon Echo, regarde. Alexa, quel temps fait-il demain? Demain, il fera grand soleil avec 22 degrés.

Bonjour Cristal. Prenez la pause déj avec Aurélie. Aujourd'hui, il faut battre l'équipe de Nadia d'Evreux. Il faut faire minimum 8 bonnes réponses pour remporter. Donc aujourd'hui, l'aspirateur balai sans fil de la marque Koenig. Et nous sommes avec une autre équipe, et pas commune du tout, puisque c'est Rebecca et ses élèves de BTS. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est marrant ça, alors tu fais jouer tes élèves, toi, pendant la pause, à un jeu de radio, quoi. Tout à fait, juste 5 minutes avant d'aller manger, ça peut distraire. Et j'adore parce que je t'ai entendu leur faire le brief aujourd'hui, là. Alors, attention, je vais participer à un jeu à la radio, donc vous pouvez m'aider, mais il ne faut pas brailler. Droit au but. J'ai une question pour les élèves. Rebecca, est-ce que c'est une formatrice méchante ou gentille? Ça dépend les jours. Ah, ça dépend des jours. Bah, c'est une femme, c'est pour ça. Oui, bon. T'es juste, apparemment. Oui. Bon, c'est bien, c'est un bon compliment, ça. Bah, tout à fait, c'est une belle qualité, on me dit. En tout cas, pour être formateur, ça c'est clair. C'est un BTS quoi ? Gestion et protection de la nature, et c'est un contrat d'apprentissage. D'accord. Et tu enseignes quoi, toi ? L'économie générale. Ok, je détestais l'éco en BTS. Faut avoir des bons profs pour ça. Alors, Rebecca, tu habites à Duclair aujourd'hui, tu as une minute de questions, tu dois faire 8 points pour remporter ton aspirateur balai sans fil. Est-ce que tu es prête ? C'est parti. Les élèves sont là ? Oui. Allez, on y va. 3, 2, 1. Qui reconnais-tu dans cet extrait ? J'étais sur la route. C'est à la fois le nom d'une crevette et d'un assemblage de fleurs. De quoi s'agit-il ? Crevette, assemblage de fleurs. Je passe. Dans quel club de foot évolue le français Adil Rami ? Marseille. Dans quelle émission retrouve-t-on la rubrique Mardi Transpi ? Je passe. Quelle couleur associe-t-on à une énorme peur ? Énorme peur. Je passe. Comment s'appelle le professionnel qui s'occupe de l'hygiène et de l'entretien des poils des chiens ? Collecteur. Dans quelle ville se déroule la série qui a popularisé Pamela Anderson en maillot de bain rouge ? Alerte à Malibu. Quel est le prénom de l'humoriste dont le nom est Commandeur ? Jérôme. Qu'évoquent pour toi les demoiselles d'Avignon ? Les demoiselles de Rochefort. Alors, tu n'y étais pas du tout. Non, non, non. Les Demoiselles d'Avignon, c'est un tableau de Picasso. Oui, Picasso, tout à fait, j'étais ailleurs. Bon, les Demoiselles de Rochefort, Demoiselles d'Avignon. Ouais, oui, non, okay. Mais... je vois ce que tu voulais dire. Et les élèves, je comptais sur vous quand même, surtout sur cette question. Dans quelle émission retrouve-t-on la rubrique Mardi Transpi ? Ils ont séché, là. Ah, TMC ? Quotidien avec Yann Barthès. Non ? Personne ne regarde ? Oui, oui, il y en a un qui fait oui, oui, les autres non. Bah, tant pis, alors sans regret pour celle-ci. Le prénom de l'humoriste dont le nom est Commandeur, c'est bien Jérôme. Et la couleur à laquelle on associe une énorme peur, on parle de peur bleue. Ah oui. On n'y était pas, c'est pour ça qu'on a préféré quand même passer parce que oui, pour gagner, c'est pas spontané, oui. En effet. Bon, Rebecca, on va voir si tu as battu aujourd'hui Nadia. On va regarder ton score juste après Divaphone avec Léa Passy. Voici Get Up. À tout de suite tout le monde. Merci. Some like their dreams to fill their days inside their broken hearts they wait. The future's lights up the gray until the clouds all blow away. We got together. Si j'endosse l'écorce, je pense trop fort. On dit que sans masque, je vaux de l'or. J'amorce mon vol au-dessus du sol. Je saute dans le vide sans peur. Je vole avec toi vers demain. Je veux ton amour dans mes mains. Je veux vivre ici, ailleurs. Je saute dans le vide sans peur. J'avance. There's nothing stronger than us if we can be as one. It's gonna be a new day, my dear. We'll leave these walls tonight to run. We've only just begun. No matter what they all say, in fear, we'll throw these chains up to fly up to the sky. We'll keep the outside in océans de roses, je rase les murs de simples choses, m'embrasse. Autour je trace ma terre brûlée, l'âme sous le feu pour faire le pas. Seuls les vrais, les frères sont là. C'est le jour du grand départ, tu verras, je suis pas venue pour te décevoir. Je sais bien, ça pourrait prendre des années pour rien, et puis tout pourrait bien s'effondrer demain. Si j'endosse l'écorce, je pense trop fort. On dit que sans masque, je vaux de l'or. J'amorce mon vol au-dessus du sol. Je saute dans le vide sans peur. Je vole avec toi vers demain. Glisse-moi le secret dans les mains. Je veux vivre encore ici, ailleurs. Je saute dans le vide sans peur. J'avance. Come, love, drop off the beat. Sans peur, le sol crache toutes ses couleurs, le sol tremble. Pas plus bas que tous ces gens que j'admire. Je vole pas moins haut que tous ces gens que j'admire. Je vole pas moins haut que tous ces gens que j'admire. Rejoins les salles de cours avec Rebecca et ses élèves de BTS. D'ailleurs, vous êtes de quel établissement ? De la MFR Coquerel-Aumont. D'accord. Eh bien, coucou à tout le monde. Et tu sais quoi ? Ils ont dit que tu étais une formatrice juste. Mais moi, je trouve que tu es une formatrice cool. Franchement, c'est sympa de faire participer ses élèves à un jeu de radio comme ça, le midi avant la pause déj. Alors, est-ce que tu as battu Nadia aujourd'hui ? Il fallait reconnaître déjà dans l'extrait... T'es sur la route. De Palmas, en effet. C'est à la fois le nom d'une crevette et d'un assemblage de fleurs. De quoi s'agit-il ? Il fallait trouver le bouquet. Ouais. Merci aux élèves. Le français Adil Rami, c'est bien l'Olympique de Marseille. Oui, heureusement, grâce à eux. Comment s'appelle le professionnel qui s'occupe de l'hygiène et de l'entretien des poils des chiens ? On appelle ça un toiletteur, en effet. Alors, dans quelle ville se déroule la série qui a popularisé Pamela Anderson en maillot de bain rouge ? Malibu. C'était Malibu, ouais, en effet. Mais je vais être un peu tatillon avec toi aujourd'hui. T'as dit alerte à Malibu, j'attendais juste le nom de la ville, en fait. Oui, oui. Bon, tu sais quoi, Rebecca, aujourd'hui, ça ne va pas changer grand-chose puisqu'il fallait que tu fasses 8 points et t'en as fait 4. Ah. Ce n'est pas suffisant. Bon, tu n'as pas eu l'examen aujourd'hui. Ils vont pouvoir se moquer de toi, tes élèves. En plus, tu l'as fait devant eux. Bon, Rebecca, en tout cas, merci d'avoir joué. Merci aux élèves aussi. Bon courage. Bon courage pour les épreuves. Et vous aussi, hein, vous pouvez jouer, hein, d'ailleurs. Vous avez beau être étudiant, vous pouvez jouer à la pause déj. Il n'y a pas de souci. Je vous embrasse tous. Ben, nous aussi. Et passez une bonne journée. Bon courage pour les cours. En attendant, c'est à vous de jouer maintenant. 02 32 23 53 96. C'est Nadia qui est en tête de la pause déj aujourd'hui avec ses 7 bonnes réponses. Vous voulez la battre, vous êtes en équipe, vous appelez tout de suite. Il y a aujourd'hui un aspirateur de la marque Koenig à remporter. Les infos sont présentées par Julie Desbois. Bonjour Julie. Bonjour à tous, on commence par la météo, bel après-midi, éclaircies en perspective dans l'Eure et la Seine-Maritime avec encore de la chaleur au mercure, 26 degrés attendus à Rugles, 27 à Évreux, à Louviers et à Rouen, 28 de maximale pour Vernon. Dans l'actualité, arrêt total de l'usine Novandi à Maromme aujourd'hui, les salariés ont entamé une grève ce matin et ils se mobilisent toute la journée pour protester contre la suppression de près de 120 postes. Objectif, sensibiliser les habitants et les élus sur les conséquences de ce vaste plan social. syndicale. Les syndicats comptent proposer un plan alternatif à Andros, principal actionnaire de Novendie, pour maintenir les postes. La une aussi, le prêtre qui s'est suicidé dans son église à Rouen mardi était accusé d'agression sexuelle. Jean-Baptiste Seb, qui officiait depuis 2005, avait été convoqué la veille par son supérieur. Le curé de 38 ans avait été informé qu'il faisait l'objet d'une dénonciation d'une femme l'accusant de comportement indécent et d'agression sexuelle sur sa fille. Aucune plainte n'a été déposée cependant. Réaction du diocèse attendue. Biorel, dans l'agglo rouennaise, les caméras de surveillance et l'audition de témoins vont peut-être permettre d'en savoir un peu plus sur l'identité des deux agresseurs d'un chauffeur de bus. Ça s'est passé mardi soir. Deux hommes sont montés dans le bus en portant des cagoules et l'ont frappé à l'épaule avant de le gazer avec une bombe lacrymogène. Ils ont ensuite pris la fuite. Le chauffeur, lui, va porter plainte. Le sport est en basket. Premier tour de Coupe de France facile pour les clubs normands. Après les matchs d'hier soir, le Rouen Métropole Basket, la LM Évreux et Caen sont qualifiés pour le prochain tour. En attendant, reprise des matchs pour le championnat de Pro B demain soir. Et puis, avis aux créatifs et aux manuels, la nouvelle édition du Salon Créatif a ouvert ses portes ce matin et c'est jusqu'à dimanche au Parc des Expos de Rouen, un salon dédié au Do It Yourself. Cristal. Trafic. Il y a Benjamin qui vient de nous signaler un véhicule en panne sur la Sud 3 dans le sens Rouen-Maison Brûlée. Elle est arrêtée sur le bas-côté de la route au niveau de la station service. Merci Benjamin pour l'info trafic. 02 32 23 53 96. À vous, le propriétaire d'une Dacia, l'exigeant, le réaliste, le rusé, le fan de bons plans. Vous avez le choix lors de votre révision. Soit de vous faire déposer matin et soir par Julie, votre nouvelle voisine, fan d'opéra et apprentie chanteuse. Soit d'opter pour la révision Dacia et de bénéficier d'un prêt de véhicule. À vous de voir. Rendez-vous sur Dacia.fr. Forfait réservé aux particuliers sur les véhicules Dacia de moins de 8 ans. Voir conditions sur Dacia.fr. Tant que tu dors, ça fait des mois, que tu hibernes, que tu sors pas de ta caverne. T'as beau tout faire pour le cacher, sous tes airs d'ours mal léchés, Elle s'adresse à son cœur dans cette chanson. C'était Zazie avec Speed sur Cristal. Bienvenue dans la pause déj. Il est 12h37. Tous les midis sur Cristal. Prenez la pause déj avec Aurélie. 8 bonnes réponses à faire pour battre Nadia d'Evreux. Et c'est Bruno qui va tenter de la battre aujourd'hui. Bonjour Bruno. Bonjour Aurélie. Tu habites tout près d'Yvetot en Seine-Maritime. Tu es moniteur d'auto-école. C'est ça. C'est quoi ton auto-école ? Alors, c'est Forum Conduite à Yvetot. D'accord. Est-ce que tu écoutes Cristal dans la voiture quand tu fais les leçons de conduite ? Alors, ça peut, oui, oui. Quand l'élève commence à bien maîtriser, alors pas trop fort, mais ouais. Effectivement, oui, ça lui permet de rester concentré, effectivement. En effet, c'est vrai que je suis en train de passer le permis en ce moment. Oui, j'ai mis du temps avant de le passer. C'est vrai qu'on ne peut pas trop écouter la radio, en fait, quand on est élève. Heureusement, moi, je pense que ça va... Ça me déconcentrait, mais d'ailleurs, je fais un bisou. Je sais que l'auto-école avec laquelle je suis en train de passer mes heures de conduite m'écoute en ce moment. Alors, Bruno, t'en es venu comment à être moniteur d'auto-école ? C'est un métier que tu voulais faire ou c'est une reconversion professionnelle ? Alors, c'est plus une reconversion professionnelle. Moi, j'ai toujours été dans le milieu jeune. Enfin, voilà, transmission du savoir, ça m'a toujours intéressé. Je voulais être professeur des écoles. Malheureusement, ça s'est pas fait. Et puis après, divers bilans de compétences, ça c'est arrivé comme ça. On pense pas spécialement être moniteur auto-école. Oui, et puis vrai. Quand on est dedans, voilà, on transmet un savoir parce que c'est toujours valorisant d'amener un élève jusqu'à l'obtention du permis. Et voilà, c'est comme le métier de prof, en effet. J'avais une question bête que je n'ai pas posée d'ailleurs, mais moniteur d'auto-école. Mais vous avez pas mal au dos à la fin de la journée quand même. Ouais, alors il faut effectivement faire attention. Moi j'ai mon petit coussin, alors voilà, on va me traiter de plus vieux, mais bon, j'ai mon petit coussin, ça dépend des voitures après, mais effectivement, bon, moi je fais pas mal de bureaux, mais effectivement, mes collègues qui sont Oui, il fait chaud et tout ça. Ouais. On a aussi, je pense, des petits moments de stress parce qu'on apprend quand même à la conduite à des gens qui n'ont jamais conduit et il peut y avoir des moments assez dangereux, je pense, sur la route. Alors, ça, sincèrement, bon, au tout début, quand vous commencez à travailler, oui, mais après, on y pense vraiment plus. Sincèrement, non. Bon, écoute, ça me rassure de parler avec toi aujourd'hui, Bruno. Donc, on y va pour une minute de questions. Il va falloir que tu sois rapide aujourd'hui pour faire 8 bonnes réponses. Es-tu prêt ? C'est bon, c'est parti. Bonne chance, 3, 2, 1. Qui reconnais-tu dans cet extrait ? Je passe. Quel club de foot français a créé l'exploit hier soir en s'imposant Lyon. Face donne-moi 3 ans près l'âge de Jean Dujardin. J'ai pas compris, 3 3 ans près l'âge de Jean Dujardin. 46. Quel jeu télévisé se déroule dans un décor de fast-food ? C'est avec Alain Chabat, c'est Burger Quiz. Quelle personnalité très en vue en ce moment était auditionnée hier par la commission d'enquête du Sénat ? Blabat. À qui Zazie s'adresse-t-elle dans sa dernière chanson dans Speed ? Cite un métier commençant par la lettre S comme Sabrina. Sapeur-pompier. Combien de cartes faut-il pour jouer à la belote ? 32. 88 divisé par 8 égale 11. Quel acteur tient le rôle principal du film Cliffhanger ? Stallone. Eh bien, c'est une bonne réponse. Et Bruno, ça m'a l'air plutôt pas mal pour toi aujourd'hui. Est-ce qu'on va tout droit vers les 8 bonnes réponses ? On va voir ça dans un instant. Tu restes avec nous avec Synapson. Voici Hideaway sur Cristal dans la pause déj. À tout de suite, Bruno. À tout de suite. I'm and follow you to the end of the earth. My heart beats with yours. My lungs breathe with yours. You're a piece of me. I can't hide away. Avec les synapsons Hideaway dans la pause déj, midi 43, nous allons connaître le grand gagnant aujourd'hui. Est-ce que c'est Bruno près d'Ifto ou encore Nadia de Bernay? Bruno est avec nous. Oui. Alors, oui, c'est ça. Il fallait reconnaître Christine and the Queens. Eh oui, parce que je l'avais sur le bout de la langue. Ah là là là là. Et bah, comme le Burger Quiz, t'as perdu du temps sur celle-ci. Quel jeu télévisé se déroule dans un décor de fast-food? Alors, t'avais Alain Chabat. Mais tu l'as eu. Burger Quiz est sorti, c'est ça qui compte. Le club de foot qui a créé l'exploit hier soir en s'imposant face à Manchester City, c'est bien à l'Olympique Lyonnais. Tu connais la victoire, c'est quoi? Oui, 2-1, j'ai vu le match. Bien joué. Et Jean Dujardin, il a 46 ans en effet. Tu l'as eu tout pile. Ben. Alors par contre, la personnalité très en vue en ce moment, qui était auditionnée hier par la commission d'enquête du Sénat, tu nous as dit, alors on était obligé de réécouter l'extrait, le passage où tu as donné cette réponse, tu nous as dit un genre de truc genre Baba ou Baba Benalla, j'avais dit je crois. Et c'était Benalla qu'il fallait sortir et non pas le... Voilà. J'ai pas dit Benalla ? Non, tu as... non, on a réécouté, ça ressemblait à du Baba en fait. Ah bon. Bon. À qui Zazie s'adresse-t-elle dans sa dernière chanson Speed? Tu m'as bien écoutée. Je suis contente, puisqu'en effet, elle parle à son cœur. Je t'avais donné un mini indice en désannonçant le titre. Je te demandais de citer un métier qui commence par la lettre S. Tu nous as dit sapeur-pompier, ça marche. Il y avait sage-femme aussi, soudeur ou encore scénariste. Ouais. Il faut bien 32 cartes pour jouer à la belote. C'est Sylvester Stallone. J'ai vraiment du mal à chaque fois avec son prénom à lui, c'est pas possible. Qui tient le rôle principal du film Cliffhanger. Et 88 divisé par 8 est égal 11. Je pense que t'as compris, Bruno. Aujourd'hui, tu remportes la pause déj. Bravo! Cool! Il fallait battre Nadia, elle avait fait un très joli score, elle avait fait 7 points, tu en as fait 8, tout pile. Je te l'ai dit, tu fais ça et tu me l'as fait, bravo. Non mais c'est cool. Bon, t'as relevé ce challenge, félicitations, tu as remporté la pause déj ce midi, 8 points et tu gagnes ton aspirateur balai sans fil de la marque Koenig. Très bien. Tu vas pouvoir nettoyer les voitures de l'auto-école facilement, puisqu'en fait, il fait aspirateur de table. C'est cool. En plus. Voilà. Ça me fait plaisir, Bruno. Je te fais des gros bisous. Bien sûr, j'embrasse aussi Nadia et toute son équipe de l'hôpital d'Evreux qui ont joué tout à l'heure. Et puis, notre seconde candidate, Rebecca. Vous jouez également pour remporter cet aspirateur balai de la marque Koenig au 02 32 23 53 96. Le retour de la musique, ce sera avec Cécilia Krull et Claudio Capeo. Une infotrafic à signaler? Contactez Cristal au 02 32 23 53 96. Il y a des pneus dans les garages Eurorépar? Il y en a. Ah! Mais pas que. Eurorépar, c'est plus de 1400 garages près de chez vous pour l'entretien et la réparation des véhicules toutes marques. Et des pneus? Mais oui, c'est même le bon plan du moment. Du 1er septembre au 31 octobre 2018, le pneu Eurorépar Reliant 155 70 R13 75T est à 39,99€ dans tous les garages Eurorépar participants. Devis, rendez-vous en ligne et modalités de l'offre sur eurorépar.fr.

qui va succéder à Justin Timberlake pour la mi-temps du Super Bowl. Et vous venez de les écouter à l'instant. Les Maroon 5 feront le show au Super Bowl en février 2019. Alors le groupe était déjà prévu à la présentation en 2015, mais c'est finalement Coldplay qui avait été sélectionné. Alors les Maroon 5 pourront redorer leur blason avec ce show qui est suivi quand même par plus de 106 millions de téléspectateurs américains et surtout partout dans le monde. Le retour des hits avec 3 cafés Fait gourmand nos souvenirs et Aloe Black avec I Need a Dollar. Le midi sur Cristal, c'est pause déj. Se casser le dos en faisant le ménage, c'est terminé grâce à Cristal. Remportez cette semaine votre aspirateur balai sans fil de la marque Koenig. Vous passerez d'une pièce à l'autre sans avoir à changer de prise. Jouez tous les jours à la pause déj au 02 32 23 53 96. Venez vous amuser chaque midi avec Aurélie. Midi 13h sur Cristal. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie produits frais. Allô patron, c'est râpé. Comment ça c'est râpé? Pour les carottes patron, je suis chez Lidl et demain et après-demain ils font le sachet de 2 kilos de carottes à 1,39€. Quoi? 2 kilos de carottes à moins d'1,40€ chez Lidl? Alors là, c'est râpé. Eh ben c'est qu'est-ce que je dis patron. Et origine France hein, 1,39€ les 2 kilos, hein, vous imaginez? Je crois que pour nous les carottes ben... Ben elles sont cuites, je sais, on est mal. On est très mal, je sais.

sorrow. Maybe it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. I had some good old buddies. And say things we shouldn't say. Forgive and forget, for we go to bed and we're gonna be okay. Some people pretend it's not gonna end and then up and walk away. But that isn't me, I'm not gonna leave, I'm here to stay. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs but heartbreaks. And no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do. Matt Simons, We Can Do Better. On peut toujours faire mieux. C'est ce que je me dis tous les jeudis matins quand je pars bosser. Non, mais c'est vrai, on va pas se le cacher. Le jeudi, avec le lundi, c'est les jours compliqués de la semaine. Le jeudi, on n'a qu'une hâte, c'est d'être en week-end. En attendant, le soleil fait quelques apparitions. Profitez-en aujourd'hui puisque demain, c'est le retour de la pluie. En même temps, il va falloir s'y habituer puisque dimanche, c'est l'automne. De la pluie en cours de matinée, mais des éclaircies qui arriveront dans l'après-midi demain. Et le mercure qui va un tout petit peu baisser. 24 du côté d'Évreux et 23 seulement du côté de Sotteville-lès-Rouen. Cristal, la Minute Emploi. Direction l'agence Leader Intérim à Passy-sur-Eure avec Élodie. Bonjour Élodie. Bonjour Dimitri. Alors, qu'est-ce que tu recherches toi en ce moment ? En ce moment, nous recherchons des aides conducteurs de travaux. Ouais. Ce sont des postes en CDI pour travailler sur le secteur du 78. Cette personne devra planifier et contrôler l'avancement du chantier. Et c'est dans le cas de la construction d'une zone commerciale. Et la personne devra gérer également une équipe de 10 personnes. Est-ce qu'il y a besoin d'une formation particulière pour postuler à ce poste ? Non, pas forcément de formation, mais par contre une expérience sur ce même type de poste. Expérience obligatoire ? Obligatoire, oui. Très bien. Si on a besoin de plus de précisions sur cette offre d'emploi, on fait appel à qui ? La personne peut appeler directement à l'agence au 02 32 26 0202. Tu veux rajouter quelque chose ou on te libère ? Je recherche aussi également un régleur pour une mission d'intérim proche de Vernon. Et cette personne devra monter, démonter des outillages, travailler et régler des commandes à machine numérique, effectuer aussi du contrôle sur des pièces. Et là aussi, pour avoir plus d'infos sur le poste, on se dirige vers l'agence Leader Intérim à Passy-sur-Eure. Oui, exactement. Et on peut te demander, Elodie, si on a besoin. C'est ça. C'est parfait. On te remercie. Merci. Très bonne journée. Bonne journée. La Minute Emploi à retrouver en podcast sur maradiocristal.com. I met you in the dark,

answer out, and it's coming after me. Do you feel exposed where it hurts the most? Can you wear it on your sleeve? Bon après-midi à vous avec le tout dernier Pink, c'était Secrets. Vous écoutez Crystal avec Aurélie. On connaît la date de diffusion de The Voice Kids. Il va falloir oublier toutes vos petites habitudes puisque le show ne sera plus diffusé le samedi, mais le vendredi. Et le premier prime time, notez bien, il aura lieu le 12 octobre. Les quatre jurés devront donc cette année trouver la nouvelle perle rare parmi les candidats âgés entre 5 et 16 ans. Et parmi le juré, deux nouvelles têtes, Soprano et Amel Bent, aux côtés de Jennifer et Patrick Fiori. Intermarché vous propose d'écouter 9,49€. Monsieur a fait son choix. Je vais prendre les Saint-Jacques. Qu'est-ce que vous me conseillez avec ? J'ai un petit 9,49€. Vous m'en direz des nouvelles. En ce moment, chez Intermarché, la bouteille d'AOP Chablis 2017 Union des viticulteurs de Chablis est à seulement 9,49€. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Bouteille de 75 centilitres, 12,65€ le litre. Modalité magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, faites attention à l'abus d'alcool. Intersport. Louis n'a pas trop d'idées pour occuper ses week-ends. Non, je vais souvent au cinéma. Oh Louis, vous me semblez peu inspiré. Bah, j'aime aussi les séries télé. Mais Louis, il faut bouger. Vous trouverez plein d'activités sportives passionnantes chez Intersport. Et en plus, ce week-end, parmi toutes nos grandes marques, vous avez moins 30% sur votre article préféré. Eh Louis, tu viens ? Viens Louis. Ok, j'arrive les gars. Bienvenue dans la famille du sport, Louis. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Conditions et liste des magasins participants sur intersport.fr. Offre valable du 21 au 23 septembre grâce à votre carte Intersport. Leclerc. Chérie, t'as vu ? Avec les super pouvoirs d'achat Leclerc, deux packs de Perrier achetés, un pack offert. Parfait, j'adore ça le Perrier. Tout le monde adore le Perrier. Sauf que là, avec deux packs achetés, un pack offert, on l'adore encore plus le Perrier. Bon ben moi j'ai soif. Du 18 au 29 septembre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Pour l'achat de deux packs, de six bouteilles de Perrier d'un litre chacune, le troisième est offert. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Pour votre crossover d'occasion, vous pouvez aller chez Nissan ou peut-être risquer ça. Voilà le crossover. Il a 5 ans et pas une rayure. Vous m'aviez dit 7 places. Oui, bah si on sert, on rentre à 7. Et il n'y a pas de caméra de recul. Mais pourquoi faire ? Vous baissez la vitre, vous sortez la tête et c'est pareil. Sinon, pour vous guider parmi un large choix et profiter de la prime à la conversion de 1 000 € sur les crossovers Nissan Juke, Qashqai et X-Trail, il y a la semaine de l'occasion chez Nissan du 17 au 23 septembre. Nissan, innover autrement. Prime à la conversion 1 000 € et reprise véhicule suivant réglementation pour l'achat d'un crossover Nissan éligible, occasion de moins d'un an. Imaginez que vous soyez 2,8% plus efficace depuis le petit-déj jusqu'au dernier dossier de la journée. 2,8% de temps en plus, juste ce qu'il faut pour terminer votre série ou profiter d'un moment entre amis. Comme quoi 2,8, ça compte. Et ça, chez Esso, on le sait bien.

Like all you need, one kiss is all it takes. Falling in love with me, possibility.

waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat magic. Et aujourd'hui, on se fait plaisir avec Mylène Farmer. C'est une belle journée. Alors non, la chanson ne parle pas du beau temps, du bonheur, mais tout l'inverse. Puisqu'au cours d'une interview sur TF1, Mylène Farmer a avoué qu'elle avait modifié les paroles du refrain. Alors au début, ça devait être « C'est une belle journée, je vais me tuer ». Et finalement, c'est devenu « C'est une belle journée, je vais me coucher » pour ne pas être pris pour un appel au suicide. Alors ok, je sais, hein, mes anecdotes, elles sont jamais trop joyeuses, mais en même temps, les artistes sont souvent très torturés. Mais au moins, on comprend ce qu'elle veut dire dans ce morceau. Alors on l'écoute avec une autre oreille aujourd'hui. Voici Mylène Farmer avec « C'est une belle journée ». Qui vit Mylène Farmer, c'est une belle journée pour le titre plaisir et en effet c'est une belle journée pour vous accompagner sur Cristal. Aujourd'hui il fait beau et les hits sont là avec Imagine Dragons et Post Malone dans quelques minutes. Et Cristal est partenaire surtout du Rouen Métropole Basket et je vous offre vos deux places dans un instant pour assister au derby RMB contre l'ALM Évreux en Leaders Cup. Ce sera vendredi soir à 20h30 au Kind Arena. Vous jouez en envoyant Cristal au 72 800, tirage au sort dans un instant. Moi, la laine de verre moins chère. Ok, mais attention à la performance thermique. Du 19 septembre au 6 octobre, chez Tout Faire Matériaux, c'est les prix qualité pro spécial isolation. Et la laine de verre à dérouler épaisseur 200 mm est à seulement 3,90 euros le mètre carré. 3,90 euros avec un R de 5. C'est ça, les prix qualité pro. Tout Faire Matériaux. Gagner en savoir-faire. Soit 21,06 euros le rouleau. Leclerc. Chérie, avec les super pouvoirs d'achat Leclerc, une bouteille d'assouplissant concentré souple inachetée, une offerte. Une achetée, une offerte? À nous, le linge incroyablement doux et intensément frais au parfum de grand air, lavande, vanille, mandarine, brume de fraîcheur. Du 18 au 29 septembre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Pour l'achat d'une bouteille de 190 centilitres d'assouplissant concentré soupline, 76 lavages, variété au choix, la deuxième est offerte. Voir modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. La bonne idée But, c'est l'anniversaire millionnaire. À vous, les promos de rêve. En ce moment, chez But, jusqu'à moins 50% sur une sélection de canapés. Oui, jusqu'à moins 50%. But, des prix et des idées tous les jours. Voir produits concernés en magasin et sur but.fr. Intersport. Louis n'a pas trop d'idées pour occuper ses week-ends. Non, je vais souvent au cinéma. Oh, Louis, vous me semblez peu inspiré. Bah, j'aime aussi les séries télé. Mais Louis, il faut bouger. Vous trouverez plein d'activités sportives passionnantes chez Intersport. Et en plus, ce week-end, parmi toutes nos grandes marques, vous avez moins de 30% sur votre article préféré. Eh Louis, tu viens ? Viens, Louis. Ok, j'arrive, les gars. Bienvenue dans la famille du sport, Louis. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Conditions et liste des magasins participants sur intersport.fr. Offre valable du 21 au 23 septembre grâce à votre carte Intersport. Écoutez l'effet d'un arrivage anniversaire trop fort, Brico-Dépôt. 1049 euros. 1049 euros ? Eh oui, la cuisine équipée prémontée Akela de 2,50 m est au prix exceptionnel de 1049 euros. 1049 euros seulement pour cette cuisine façade décor noir mat et plan de travail imitation bois. Et en plus, électroménager de marque Candy inclus. Ça, c'est trop fort ! Ah oui, c'est fort. Mais vous n'en faites pas un peu trop ? Ben, c'est nos 25 ans quand même. Dès demain matin, 7h en quantité limitée. La qualité, le prix, Brico-Dépôt, l'essentiel en deux mots. Intermarché vous propose d'écouter 11,95 euros. Maman, je peux aller jouer au foot dans la boue sous la pluie avec mes vêtements blancs tout neufs ? Bien sûr, mon chéri.

SMS vient d'arriver, j'ai 18 ans. On volait ma virginité, je suis plus un enfant. L'horloge tourne, les minutes sont torrides, et moi je rêve d'accélérer le temps. Dame, dame, de haut, oh, oh, oh. Dame, dame, de haut, oh, oh. Un SMS vient d'arriver, j'ai 20 ans. On l'a fait sans se protéger, mais je veux pas d'un enfant. L'horloge tourne, les minutes infanticides, et moi je rêve de remonter le temps. Dame, dame, des hauts, oh, oh, oh. Dame, dame, des hauts, oh, oh, oh. Un SMS vient d'arriver, j'ai 21 ans. 9 mois se sont écoulés, et toujours pas d'enfant. Je rêve, tranquille, je prends mon temps. Dame, dame, des hauts, oh, oh, oh. Dame, dame, des hauts, oh, oh, oh. Un SMS vient d'arriver, j'ai 25 ans. Tsunami a tout emporté, même les jeux d'enfants. L'horloge tourne, les minutes sont acides, et moi je rêve que passe le mauvais temps. Mais je suis plus un enfant. L'horloge tourne, mais son cœur se suicide, et moi je rêve, je rêve du bon vieux temps. Dame, dame, des hauts, oh, oh, oh. Dame, dame, des hauts, oh, oh, oh. Dame, dame, des hauts, oh, oh, oh. Dame, dame, des hauts, oh, oh, oh. Un SMS va arriver, j'aurai 30 ans, 30 ans de liberté, et soudain le bilan. L'horloge tourne, les minutes sont des rides, et moi je rêve d'arrêter. Dame, dame, des hauts.

no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip. To the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, hey. Hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Vous accompagner sur Crystal et n'oubliez pas qu'un biopic sur Freddie Mercury sortira ici dans les salles en France le 31 octobre. Crystal, 13h-16h avec Aurélie. Ce week-end se tient la foire d'Évreux et je vous offre cette semaine 100 € à dépenser là-bas pour vous faire plaisir en famille. Et aujourd'hui, c'est Amandine qui les remporte. Bonjour Amandine. Bonjour. Tu habites où ? J'habite à Croix dans le 27. D'accord, pas très loin d'Évreux. Non, pas très loin d'Évreux. Bon, écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi puisque tu gagnes aujourd'hui 100 € à dépenser ce week-end à la foire d'Évreux. Oh super, je suis trop contente, merci beaucoup. Tu vas y aller avec qui, toute ta petite famille, c'est ça? Oui, avec mon mari et mes deux garçons. Eh bah, profitez-en bien. Merci Amandine d'avoir joué avec nous, je te fais de gros bisous. Merci, gros bisous. Crystal, la Minute Emploi. Et nous sommes aujourd'hui avec Julie de l'agence Supplé à Rouen en transport et logistique. Salut Julie. Salut Dimitri. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes côté offre? Alors, aujourd'hui, nous recherchons activement des agents de pied confirmés. Une expérience vraiment significative dans le transport est exigée. C'est un poste avec un rythme soutenu, plutôt physique. Ce poste-là se situe sur Saint-Étienne-du-Rouvray. Il s'agit de charger, décharger des camions. Il y a des horaires au choix. Il y a différents créneaux, 5h, 13h20, 16h, 23h20 ou minuit, 7h. Concernant la rémunération, le taux est de 10,59 € de l'heure. Il y a une prime de nuit quand on travaille entre 21h et 6h. Et il y a aussi un petit panier repas dès 4h travaillé, tout simplement. Très bien. Bah écoute, c'est plutôt clair tout ça. Oui, très. Si on est intéressé, comment ça se passe? On compose quel numéro de téléphone? On s'adresse alors, à qui?

Ça fait des